Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un homme qui n'est pas né dans cette ville, mais qui commence sa carrière comme travailleur associatif. C'est un choix militant, le désir pour lui de se mettre au service des habitants pauvres du sud de cette mégapole. Un homme qui y rencontrera sa future épouse, épouse dont les grands-parents s'étaient installés depuis longtemps ici. La ville, c'est Chicago. Et ce n'est pas seulement à Barack Obama que s'intéressait Jean-Noël Jeannonet dans Concordance des temps le 17 janvier 2009, mais bien aussi, et encore, et beaucoup, à la place de Chicago dans notre imaginaire européen. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Et ce music hall des clochards dans la maison du bon Dieu, au pays des abattoirs, des palaces et des gangsters, c'est sa petite fleur bleue, quelque chose comme son luxe en somme, et son gentil péché. La ville la plus riche du monde a ses faiblesses. Eh bien, là aussi, c'est Chicago. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannonet. Bonjour, Chicago, la ville d'Obama. Voilà le thème de l'émission de ce matin, quelques jours avant l'arrivée du nouveau président des États-Unis aux commandes de son pays. Pap Ndiaye, maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, est mon invité, évidemment qualifié puisque il anime un dossier sur ce thème dans le prochain numéro de la revue L'Histoire, puisqu'il va publier un livre sur les Noirs américains depuis 1985 et qu'il prépare intensément un livre consacré à cette ville sans pareil en termes humains, matériels et, si je puis dire, mythologiques. L'innombrable littérature consacrée ces derniers temps à Barack Obama insiste généralement et à juste titre sur ses liens avec Chicago. Sa femme, Michelle, en est directement originaire et lui-même y a construit et enraciné sa carrière politique depuis qu'il s'y est installé en 1985 comme travailleur associatif dans les quartiers sud avant d'y enseigner pendant 12 ans le droit constitutionnel à l'université et d'y conquérir ses mandats électifs. Considérer les liens qu'il a tissés avec Chicago et la manière dont il a pu en faire un tremplin, cela devrait permettre d'éclairer certains aspects de sa personnalité sur le fond de tableau d'une cité champignon, dont les traits durables se sont définis dans la durée, depuis le temps, dans les années 1830, où on n'y dénombrait encore que deux centaines d'habitants. Une sorte de portrait croisé, en somme, entre une ville et un homme qui ont connu et qui connaissent des destins tout à fait singuliers. Chicago, c'est un pays charmant. Chicago, c'est un rêve troublant. La ville sur les grands lacs est la ville où l'on n'a pas le trac. Si en France on voit petit tout le temps, je vous jure que là-bas on voit grand. En 10 secondes, un petit cochon devient du tonne de saucisson. En un quart d'heure, on fait, c'est beau, une maison de 100 mètres de haut. Ah, qu'on est bien à Chicago, quand on aime boire que de l'eau. Pas de pernaud, pas de picon, le plus petit mandarin citron. Comme on boit de l'alcool de bois, on a tout le temps la gueule de bois. Pour rire, on en fait des copeaux. Ah, qu'on est bien à Chicago. dans la rue, on passe tranquillement. Tout à coup, pan pan pan, pan pan pan, ce n'est rien, ce sont des gangsters qui essaient leur gros revolver. Si on reçoit une balle au bon endroit, on s'écrie « merci de penser à moi ». On a si peur d'être tué que l'on dit « faut pas vous gêner ». Une seule balle, oh, c'est bien peu, la prochaine fois tirez-en deux. Ah, qu'on est bien à Chicago, mais pour sauvegarder sa peau, on ne sort qu'avec un bouclier, une chemise en tôle d'acier. Soir, on s'endort sans être certain, se réveiller le lendemain matin, entier ou en petits morceaux. Ah, qu'on est bien à Chicago. Et bonjour. Bonjour. C'était Ah, qu'on est bien à Chicago, une chanson que nous avons exhumée due à l'immortel Gaston Gabaroche, 1933. C'est tiré d'un film qui s'appelle Pas besoin d'argent. J'ai choisi naturellement cette musique, cette chanson, parce qu'elle me paraît rencontrer assez bien les mythes qui nourrissent l'imaginaire, notamment en Europe, sur Chicago. Oui, Chicago, la ville du crime, la ville de la mafia, il y est fait allusion directement dans la chanson, mais aussi, pan, pan, pan. Bien sûr, la ville des abattoirs qui transforme un cochon en boîte de conserve en l'espace de quelques secondes. La ville champignon aussi. Et puis la ville des grands gratte-ciel, la capitale architecturale de l'Amérique. Au fond, avec cette chanson, on voit bien à quel point Chicago a une place dans les imaginaires européens. Autant que New York, finalement, pour ce qui concerne l'Amérique du Nord. Peut-être d'ailleurs pas seulement en France. À un moment donné, je lis que Bismarck s'était écrié « Si j'ai envie d'aller aux États-Unis, c'est pour voir Chicago ». C'est vrai pour les Allemands, car Chicago fut une grande ville d'installation des migrants allemands. C'est vrai pour les Polonais. Il existe une liaison aérienne aujourd'hui entre Chicago et Varsovie, et ce depuis longtemps. C'est vrai pour les Européens du Nord en général, y compris les Russes, pour les Tchèques. Chicago a été une grande ville de migration nord-européenne et centre-européenne. Et donc à ce titre, les Européens ont des liens souvent familiaux, en tout cas des liens imaginaires avec cette grande ville. C'est cette formidable capacité d'attraction pour des centaines de milliers, pour des millions d'hommes et de femmes, qui est un des traits propres de Chicago. Mais pour commencer, si vous voulez bien, nous allons concentrer l'attention sur l'un d'entre eux, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du nouveau président des États-Unis, Barack Obama. Je voudrais que vous nous rappeliez quels sont les liens qui se sont tissés entre lui et cette grande ville. Il n'en est pas originaire de Chicago, il est né à Hawaï, comme on le sait bien maintenant, mais il est venu à Chicago après ses études à Columbia. En 1985, il a alors 24 ans, lorsqu'il est embauché comme travailleur social dans les quartiers sud de la ville, dans les quartiers noirs, où il demeure jusqu'en 1989. Un travailleur social, c'est quelqu'un qui essaie d'organiser localement les habitants pauvres de manière à ce qu'ils aient accès à l'aide sociale, à différentes ressources, qui écrit pour eux, qui organise des demandes auprès de la municipalité. C'est ce qu'il fait. On appelle ça organisateur communautaire. Organisateur communautaire, voilà. C'est une notion qui n'existe pas en France, mais qui est bien installée aux États-Unis depuis le début du XXe siècle, d'ailleurs, depuis l'émergence d'un évangélisme social très attaché à la réforme dans les quartiers pauvres de la ville. Et puis, après un intermède de 3 ans, au cours duquel il se rend à Harvard pour poursuivre ses études, Barack Obama revient à Chicago en 1992. Il s'y marie d'ailleurs avec Michelle Obama, femme de Chicago par excellence, qui lui donne accès d'ailleurs à certains réseaux politiques de la ville. Et il y a résidé continuellement donc depuis 1992. Avec une double carrière universitaire, il lançait le droit constitutionnel, n'est-ce pas, à l'université. C'est cela. Et puis le début d'une carrière politique qui va le conduire où nous savons. Voilà, d'une carrière politique éclair finalement, puisqu'il est élu à partir de 1996 comme sénateur d'État de l'Illinois, un poste relativement modeste, avant de franchir une étape supplémentaire importante en 2004 comme sénateur des États-Unis représentant l'Illinois à Washington, et puis, comme on le sait, de devenir président des États-Unis en 2008. Et donc, par parenthèse, la promptitude de cette émergence est très frappante, vu notre vieille Europe, en particulier de France. C'est vrai. Il faut généralement tellement de temps pour accéder au pouvoir suprême, alors que des gens comme Carter, même à certains égards comme Kennedy, en tout cas comme Obama, surgissent. Et peut-être c'est d'ailleurs à rattacher à la promptitude des changements qui ont travaillé en puissance la ville de Chicago. Oui, je pense que c'est une force généralement de la démocratie américaine que de permettre l'émergence assez rapide de figures nouvelles, ô combien nouvelles en ce qui concerne Barack Obama, bien sûr. Et puis aussi, dans une ville comme Chicago, une ville qui, en dépit d'un système politique assez vermoulu et même corrompu, de donner sa chance à des personnages nouveaux, des gens qui ne sont même pas nés à Chicago et qui, comme on le lui fait remarquer quand il s'y installe en 1985, ont un nom qui ne sonne pas très américain, bien sûr. Vous évoquiez sa femme, Michelle, en rappelant qu'elle était originaire du South Side, de la partie sud, la partie essentiellement noire de Chicago, et elle va contribuer à enraciner son mari dans Chicago. Peut-être devriez-vous nous en dire un mot plus précis ? Oui, Michelle Robinson, de son nom de jeune fille, vient d'une famille afro-américaine de Chicago installée là depuis très longtemps. Ses grands-parents se sont installés à Chicago. Ils venaient du sud profond, comme la plupart des Noirs de cette ville, qui s'y sont installés dans les années 1920. Et c'est une famille bien installée qui a des connexions avec la municipalité et qui a permis à Barack Obama, au fond, de construire sa carrière politique, de nouer des liens avec des fondations. Il est proche des milieux aussi d'affaires de la ville. Bref, de s'installer et d'effectuer une carrière politique plus rapide qu'il ne l'aurait faite si il avait été un homme seul, un outsider. Au fond, avec son mariage en 1992, Barack Obama devient véritablement un homme de Chicago, reconnu comme tel par les habitants. Petite bourgeoisie pour Michel. Son père était un pompier affecté à la surveillance d'une station d'épuration, mais beau cas significatif d'ascension sociale, puisqu'elle va accéder aux fameuses universités de la Ivy League sur la côte Est. Absolument. Et devenir une diplômée en droit, commencer même une carrière d'avocate avant de s'en éloigner. Tout à fait. Elle est diplômée de Princeton University. C'est elle aussi un produit de l'affirmative action, on remarquera. Et elle a... Ce qu'on appelle souvent discrimination positive en France. En France, selon une traduction un peu malheureuse, sans doute. Et donc, c'est un couple très, très ambitieux, très, très en vue, qui s'installe là, définitivement, dans ces quartiers sud de la ville en 1992. Obama vient comme stagiaire, Barack Obama, et c'est là qu'il rencontre sa femme qui est déjà avocate associée dans un cabinet important. Voilà, leur histoire est devenue pratiquement une histoire célèbre. Maintenant, Le Monde a publié il n'y a pas longtemps une interview du jeune couple en 1995, interview qui a été mise de côté par l'éditeur du livre qui les avait sollicités. Manque de flair. Manque de flair, en effet, où l'on voit à quel point ce jeune couple est content d'habiter à Chicago. Il y a une sorte de fraîcheur, de sincérité qui est assez touchante. Alors j'ai envie de vous interroger sans tarder sur une question peut-être un peu difficile. Voilà un homme d'éclatante probité, intellectuel, matériel, Barack Obama, et qui enracine sa carrière politique dans une ville qui, comme vous le disiez, est profondément marquée par la corruption. On voit ça de toutes sortes de façons. Et pour m'en tenir un instant à la mythologie, je vais vous faire écouter, à propos de gangsters, un extrait du fameux album d'Hergé, un des tout premiers, Tintin en Amérique. C'est un dessin animé qui est tiré de cette histoire, qui a commencé de paraître dans le 20e à Bruxelles en 1931 et s'est achevé en 1932. Écoutez. Chicago, ville américaine de 3 millions d'habitants située aux portes de l'Ouest et au bord du lac Michigan. À l'époque de la Prohibition. La guerre des gangs fait rage à Chicago. Bien. Tu sais, Milou, si nous voulons que mon article tienne debout, nous allons devoir aller sur place. La guerre des gangs fait rage à Chicago. Que font la police et le FBI? Qui dirige Chicago? Chicago Post, New Yorker, demandez les dernières nouvelles. Demandez l'édition spéciale, l'arrivée du jeune reporter Tata. Chicago! J'aime pas que ce Tintin vienne fourrer son nez dans nos affaires. C'est un adversaire redoutable. C'est pas bon pour le business. Tu vois ce que je veux dire? Ne vous en faites pas, chef. Je m'occupe de tout. Tintin ne quittera pas Chicago vivant. Ok. Eh bien, nous voici à pied d'œuvre, mon brave Milou. Imagine, Pimp & Diaye, que, en entendant cette adaptation, les images de l'album surgissent à la mémoire de nos auditeurs. Par parenthèse, c'est une sorte de bande-annonce pour une émission prochaine où je recevrai Pierre Assouline pour parler de l'actualité du grand Hergé et de l'immortel Tintin. Mais revenons à Chicago. Cette image d'Al Capone, cette image de la pègre, de corruption profonde, fait intimement partie de ce que nous avons transféré dans nos mémoires du Chicago des années 30. Oui, c'est à la fois un élément de mythologie essentiel et en même temps une réalité sociale à Chicago, car il est avéré que les activités criminelles organisées, en particulier du côté du jeu, de la prostitution et de la contrebande d'alcool, on est dans les années 20 pendant la prohibition qui fait la fortune évidemment des vendeurs clandestins d'alcool et des speakeasy, ces arrière-bars clandestins où l'alcool était consommé en grande quantité. Avec importation secrète du Canada en particulier. Voilà, puisque Chicago est une ville frontalière et joue de sa proximité avec le Canada pour cela. Je vous rappelle que Gaston Gabaroche faisait naturellement, à partir de son Pernod français, allusion à ce terrible désert d'alcool. Voilà, c'est plutôt le whisky et le bourbon qui sont en jeu plutôt que le Pernod à Chicago. En tout cas, il est sûr qu'on a affaire à des formes d'organisation criminelle avec la figure d'Al Capone qui essaie de réunir l'ensemble des gangs de la ville à l'issue de batailles féroces avec le gang irlandais de Bugs Moran en particulier, ce qui est l'occasion de la fameuse fusillade de la Saint-Valentin en février 1929. C'est-à-dire que Al Capone fait abattre les lieutenants de son rival irlandais. Voilà, exactement, dans un garage, à la suite d'une affaire qui a défrayé la chronique et qui a été représentée de multiples fois au cinéma. Ça ne fonctionne pas dans la tendresse. Et donc Al Capone réussit à rassembler l'ensemble des gangs sous son égide avant d'être arrêté en 1931 et de finir sa vie, pas en prison, mais enfin, il est écarté, disons, des affaires de la ville à ce moment-là. Et s'il est bien, il est bien emprisonné pour un temps, mais on l'attrape pour un motif fiscal. Voilà, c'était au moins la meilleure manière, en quelque sorte, de l'arrêter que de l'arrêter au motif qu'il n'avait pas payé d'impôts depuis plusieurs années. Puisque finalement, le système local, politique, judiciaire, était pour l'essentiel dans la main d'Al Capone. La vie politique de Chicago, depuis la fin du 19e siècle, est une vie politique marquée par des réseaux de corruption, des liens avec les intérêts privés, ceux des grands hommes d'affaires de la ville qui dominent évidemment économiquement la région et même qui sont des grandes figures du capitalisme américain. Et puis aussi le crime organisé. Al Capone et ses successeurs ont des liens proches avec la mairie, le fameux Big Bill Thompson, le maire républicain des années 20, qui était un obligé d'Al Capone. Al Capone n'en faisait d'ailleurs pas mystère, il le considérait de façon, avec une certaine condescendance, pour le dire gentiment, jusqu'au fameux Richard Daley, la grande figure politique de Chicago entre les années 50 et les années 70, dont certains liens directs et indirects avec le crime organisé sont assez évidents. Bref, la vie politique de Chicago n'est pas très reluisante. À cet égard, les représentations mythologiques correspondent quand même à la réalité. Alors comment s'y est pris Obama pour pouvoir fonder sa carrière dans un milieu qui avait peut-être été un peu assaini, mais qui demeurait tout de même incertain quant à la morale. C'est le grand exploit de Barack Obama de provenir d'une ville qui, généralement, contamine par ses pratiques politiques ses hommes, ses élus. C'est le cas en particulier du gouverneur de l'Illinois, Roy Blagojevich. Gouverneur actuel. Qui s'accroche à son siège, mais qui va bientôt être déboulonné par les institutions politiques locales, dont on sait que c'est un gouverneur profondément corrompu. Il y a une histoire de ce point de vue-là qui est une histoire qui pèse. Et Barack Obama a été très habile. Il a été très habile parce qu'au fond, bien qu'élu de Chicago, il n'a jamais dirigé ses efforts en direction de la mairie ou en direction d'un poste de gouverneur local. Il était sénateur de l'État, puis tout de suite sénateur à Washington en 2004. Et au fond, il a, tout en étant un homme de Chicago, il a maintenu avec les institutions politiques locales, y compris la mairie, certaines distances, finalement, qui l'ont plutôt bien servi ces dernières années. Il a de bonnes relations avec Richard Daley, le fils de celui que je mentionnais tout à l'heure. Encore une dynastie. Une dynastie familiale bien établie. Le fils est plus honnête que le père, incontestablement. Il a des relations très distantes avec le gouverneur Blagojevich. Bref, il est sorti à peu près indemne d'une ville qui n'est pas tendre pour ses politiciens. Il reste un mystère, en tout cas une question à éclaircir. Pourquoi Al Capone, parmi tant de gangsters qu'on pourrait mettre au devant de la scène, et rester comme une sorte d'archétype? Pourquoi c'est à Chicago Al Capone qui, du point de vue de l'opinion du monde entier, reste cette espèce d'incarnation? Oui, c'est assez étrange. Sa carrière est relativement brève. Il arrive à Chicago, il est né à Brooklyn en 1921. Il quitte Chicago pratiquement en 1931, 10 ans. C'est un gangster local qui n'est pas d'envergure nationale. Il n'est pas comparable au grand Meyer Lansky de la pègre de New York qui contribue à faire de Las Vegas la grande ville de jeu que l'on connaît. Pourquoi Chicago et Al Capone? Il me semble qu'au fond, ce qui caractérise Al Capone, c'est d'abord le niveau de violence personnelle qu'il déployait. C'était un grand manieur de batte de baseball, pas pour le sport, mais pour éliminer ses adversaires. On vous entend. Il introduit la mitraillette Thompson très rapidement dans le milieu des gangsters de Chicago. Et puis, c'est une figure, je dirais, une figure très colorée, une figure très pittoresque, qui retient l'attention. C'est un homme qui aime se mettre en scène. Il aurait pu accepter de jouer son propre rôle dans le film Scarface de Howard Hawks, c'est dire. Dans les années 30. Dans les années 32, par contraste avec Meyer Lansky, dont je parlais tout à l'heure, qui est une figure plus discrète, plus secrète, moins pittoresque. Mais alors, il faut aussi comprendre pourquoi Chicago a vu se déployer ce gangstérisme de cette manière-là. Est-ce qu'on peut rattacher ces données à la promptitude de son évolution? J'évoquais sa naissance tellement récente, en somme, 200 habitants de Chicago en 1830. Oui, c'est les sociologues de l'Université de Chicago, célèbres, dans les années 20, réfléchissent sur la criminalité dans cette ville et expliquent son niveau en se référant à sa croissance et donc à des institutions sociales passablement désorganisées, à une mairie qui court derrière la rapidité des activités économiques et de la croissance démographique, ce qui favorise certainement les activités délictueuses, en tout cas ce qui relâche les institutions de police et de justice. Et puis, bien sûr, il y a la proximité avec le Canada qui favorise tous les trafics. Avec la complexité de l'organisation communautaire d'une ville qui, dans le temps, change très très vite et dans l'espace, dans la sociologie, est puissamment travaillée par des traditions spécifiques et éventuellement opposées. Oui, avec notamment une organisation ethnique très forte qui marque à la fois le crime organisé, les gangs italiens, irlandais, noirs et juifs sont tout à fait importants dans cette ville. Et puis également l'importance de la machine politique, c'est-à-dire de l'organisation politique du Parti démocrate qui tient continuellement la ville depuis le début des années 30, depuis le fameux maire Cermak, malencontreusement assassiné en 1933 lorsqu'il se trouve aux côtés de Roosevelt. Assassiné par erreur, ce qui est pas moins désagréable d'ailleurs. Absolument, il reçoit une balle perdue. Mais Chicago est par excellence un bastion démocrate, le bastion démocrate aux États-Unis, avec une machine, des fonctionnaires qui sont à la fois membres du parti et fonctionnaires de la municipalité. Ce qui, ma foi, avec cette longévité politique du Parti démocrate, favorise également certaines activités qui peuvent être des activités de corruption, ou en tout cas le fait de perdre de vue l'intérêt général. Cette prospérité si rapide dans la seconde moitié du 19e siècle s'explique, me semble-t-il, par plusieurs facteurs. Il y a la situation d'abord géographique, c'est un nœud ferroviaire qui est favorisé par la circulation également fluviale sur le lac. Et puis il y a une certaine énergie spécifique, une industrie qui est portée par des acteurs qui vraiment sont une sorte d'incarnation du rêve américain. Et puis il y a la l'abondance de la main-d'œuvre qui est essentielle, et cela ramène à la question des immigrations, en particulier du Nord, qui va contribuer assez vite à dessiner la géographie sociologique et communautariste de la ville. C'est cela. Et donc Chicago est à la fois le grand centre nœud de communication des États-Unis et bénéficie, de par sa position très centrale, des grandes plaines de l'Ouest qui vont se devenir des lieux d'élevage du bétail, du bois également, qui est très important dans cette région, et puis du grain, bien sûr, des grandes, avec les silos à blé qui sont construits dès la fin du 19e siècle. Donc, Chicago est d'abord une ville agroalimentaire, à quoi s'ajoutent, bien sûr, des activités spécifiques qui sont liées à cela, les abattoirs pour les animaux. Nous avons déjà évoqué. McCormick et ses fameuses moissonneuses. On se rappelle que Tintin échappe de peu à une mort horrible en étant transformé comme un petit cochon en cornet de bif. Exactement. Et Chicago, capitale de l'acier, on l'oublie, au XXe siècle, devant Pittsburgh, jusque dans les années 60. Et donc, Chicago attire par centaines de milliers les migrants européens et aussi les Noirs du Sud. Alors, sur cette immigration venue du Sud, un témoignage qui est celui de l'écrivain noir américain Richard Wright, qui a passé beaucoup d'années d'ailleurs en France pour fuir un certain type de société, mais qui raconte dans cette interview donnée en 1960 à Georges Charbonnier la manière dont il a vécu son arrivée depuis les États du Sud jusqu'à Chicago. À Chicago, j'ai trouvé une vie tout à fait différente. La question de race n'était pas assez aiguë là-bas, comme dans le Sud. On peut entrer les librairies et on peut trouver des livres. Il n'y a pas de ségrégation sur les transports publics. Et il y a un grand ghetto, on dit, c'est vrai, un ghetto. Mais il y a des journaux noirs dedans. Il y a des églises, des écoles. Il y a, j'ai trouvé la bourgeoisie noire. Il y a des syndicalistes noirs, des choses comme ça. J'étais à Chicago pour plusieurs années. Toujours, je cherche quelque chose, comme tous les Américains. Et vous voyez, c'est le rêve des Américains. On coupe les racines, on bouge loin, on cherche quelque chose. Chaque fois que j'quitte un pays, une ville, comme ça, un pays, une ville, une région du pays, je ne pense pas que j'ai perdu grand-chose. On pense toujours au futur. Richard Wright, c'est une figure intéressante, Pape Ndiaye. Grande figure de la littérature américaine, je dirais presque de la littérature franco-américaine, tant il a passé d'années à Paris, il y est même mort. Il est enterré. Il y est enterré, en effet. Et il est également très représentatif de cette migration des Noirs du Sud, qu'il raconte très bien dans son plus célèbre roman, Black Boy, où il raconte sa vie dans le Sud, et puis le départ vers Chicago, l'installation dans le South Side, c'est ce grand ghetto noir qui prend forme dans les années 20, et où habitent d'autres figures célèbres, comme le boxeur Joe Louis, par exemple, à la même époque, et tant de grands musiciens de jazz et de blues. Et donc Richard Wright, qui exerce des tout petits métiers, les tout petits métiers du ghetto, bien sûr, raconte cela, cette ville qui le stupéfie, lui qui vient des bourgades rurales du Sud profond, et qui montre bien dans son interview à quel point le ghetto est un lieu stratifié. Ça n'est pas à cette époque le lieu simplement de la grande misère, ce qu'il est aussi, mais c'est un lieu aussi où on trouve des classes moyennes, des classes supérieures, des professeurs, des médecins, des grandes figures du capitalisme noir américain. C'est seulement à partir des années 70 que le ghetto va perdre ses classes moyennes et supérieures noires qui vont aller s'établir ailleurs dans des quartiers plus agréables, avec le relâchement de la ségrégation. Et donc à cette époque-là, on a affaire à d'immenses zones qui sont des zones où on trouve également toutes sortes d'activités, de commerces, ce que Wright raconte si bien. Donc la division est exclusivement ethnique en termes géographiques. Ah oui, tout à fait. Et elle n'est pas sociale. Exactement. Ça n'est pas une division sociale, c'est une division qui s'établit sur la base d'une ségrégation purement raciale. C'est le cas de Chicago, bien sûr, et c'est le cas de l'autre grand ghetto de l'époque, le Harlem de New York. Barack Obama est venu aussi

construire ces immeubles de métal et de verre qui vont donner son visage à la ville et imprimer à l'architecture mondiale un nouveau style que l'on remarque très évidemment lorsque l'on visite Chicago. Et donc aujourd'hui, cette ville incorpore plusieurs strates hein, dans l'histoire de l'architecture américaine qui sont absolument passionnante. Et donc c'est ce qu'on entend, ou c'est ce que suggère plus exactement Michel Pollack dans son reportage de 1958. Avec une force et même une violence dans le remodelage constant de cette métropole. On n'hésite pas, bien sûr, à détruire pour reconstruire. Et si l'on devait historiquement penser à une grande époque de destruction, ce serait évidemment 1871 avec le grand incendie de Chicago qui rase la ville. Pratiquement, à cette époque, elle est construite en bois pour l'essentiel. Et donc, on reconstruit la ville. Grande ville du bois, Chicago. En 1972 et dans les années suivantes. Très vite, on tourne la page. Très vite, on reconstruit de telle sorte qu'en quelques années, la ville littéralement renaît de ses cendres et se développe encore plus rapidement avec son fameux plan en damier typique des grandes villes américaines, avec une rationalité, avec les parcs que l'on implante de façon très régulière et puis avec la mise en valeur du front de lac, le lac Michigan, qui est évidemment un des hauts lieux de la ville, tant du point de vue de ses activités commerciales que également du point de vue des activités touristiques. Michel Pollack nous rappelle aussi la brutalité de l'opposition entre le Nord et le Sud. C'est vrai, car Chicago est très marqué par une ségrégation très forte, ségrégation sociale et ségrégation ethno-raciale, avec des quartiers nord qui, dans l'ensemble, sont les quartiers riches, les quartiers bourgeois autour de Lincoln Park. Un quartier central qui est le quartier des affaires, qu'on appelle familièrement le loop, la boucle, par référence au métro aérien qui fait une boucle dans ce secteur, et puis les immenses quartiers sud qui sont les quartiers prolétaires et qui deviennent les grands quartiers noirs à partir des années 20, là également où sont implantées les principales industries, les abattoirs, là où les gares ont leur centre de triage, là où les usines sidérurgiques se construisent. Et donc on a une ville qui est une ville très très fortement marquée par ces oppositions-là. Et en effet, lorsque l'on se promène dans le South Side, on a très peu de chances de rencontrer une personne blanche, sauf aux alentours immédiats de l'université de Chicago. Avec en même temps l'observation que c'est une des premières très grandes villes américaines qui a eu un maire noir, ce qui était évidemment inconcevable dans le Sud. Dès 1983, Harold Washington, qui est une des grandes figures en effet, qui meurt malheureusement très tôt d'une crise cardiaque en 1987, peu après sa réélection, mais son élection rompt certainement avec une longue pratique politique du Parti démocrate qui consistait à utiliser les électeurs noirs qui constituent à partir des années 60 un tiers, même un bon tiers de la population de la ville. On frôle les 40% dans les années 80 pour la population noire, mais sans accéder évidemment à des positions politiques d'importance. Et donc Harold Washington a compté beaucoup également pour Barack Obama. Barack Obama raconte dans son autobiographie qu'il a vu Harold Washington vers 1986-1987 et que cette figure assez imposante et assez charismatique l'a marqué et a peut-être enraciné son souhait de faire de la politique. Et peut-être sa conviction qu'il était possible de briser un certain nombre de barrières qui paraissaient si fortes. Tout à fait. D'aboutir à ce que lui soit le premier président noir ou en tout cas métis à la Maison Blanche. En dépassant les clivages ethno-raciaux classiques de la vie politique de Chicago. Autrement dit, Barack Obama, dès le début, même s'il était élu du South Side, a eu une politique qui consistait à s'adresser à l'ensemble des électeurs de la ville de Chicago, les électeurs hispaniques, bien sûr, mais aussi des électeurs blancs, ceux qu'on trouve dans les quartiers nord. Il a eu, dès le départ, une vision très, très large, très ouverte, qui rompait avec les logiques plus clientélistes, orientées sur les communautés, qui sont celles de la vie politique traditionnelle de Chicago. D'ailleurs, symboliquement, c'est au centre de la ville, dans la ville de l'activité bancaire, industrielle, la ville essentiellement blanche, qu'il fête en novembre de l'année dernière, en 2008, sa victoire. Et on a en souvenir, évidemment, cette foule immense, émue, qui salue Barack Obama et sa famille, qui le rejoint sur scène, sur Grand Park, en effet en plein centre de la ville. Après tout, c'est bien la première fois que Chicago participe à l'élection d'un homme qui devient président des États-Unis. Abraham Lincoln, autre natif de l'Illinois, et quel natif de l'Illinois, était lui issu du sud de cet état, de Springfield, bref d'une région rurale pour l'essentiel. Un autre immigrant d'origine italienne, lui, Frank Sinatra, qui a beaucoup aimé Chicago. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say, they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, Chicago. C'était donc Frank Sinatra, 1962. Il parle de Chicago comme sa hometown. Il est vraiment de Chicago ? Non, il n'est pas de Chicago, mais Chicago est accueillante à tous ceux qui s'en réclament. On peut ajouter que Frank Sinatra pouvait avoir certains liens avec, disons, le monde des activités illégales, généralement aux États-Unis, particulièrement à Las Vegas. Peut-être aussi un peu à Chicago. L'élection de Kennedy, 2 ans auparavant, on sait que Kennedy a été élu d'extrême justesse contre Nixon, à quelques dizaines de milliers de voix près dans l'ensemble des États-Unis, et que c'est la ville de Chicago qui a fait la différence, qui lui a permis de remporter l'élection présidentielle. Dans des circonstances électorales un peu particulières, on a beaucoup disserté sur l'aide que le monde du crime organisé avait pu apporter à la victoire de Kennedy à Chicago avec bourrage d'urnes et autres choses de ce genre. Donc c'est encore une manière de parler de ces traditions politiques de Chicago si baroques. Avec le rôle de Daley, le père, Richard Daley, dont on disait qu'il était très fier de se poser comme faiseur de roi. Voilà, exactement, et c'est lui qui accueille d'ailleurs la fameuse convention démocrate de 1968 pour trouver un candidat démocrate contre Nixon. Justement, convention démocrate qui défraye la chronique tant la violence, le niveau de violence est grand contre les manifestants qui protestent contre la guerre du Vietnam. En particulier, c'est une convention qui est restée dans les annales de l'histoire politique américaine. C'est une année de la violence puisque Robert Kennedy a été assassiné quelques mois plus tôt. Quelques mois plus tôt, sans parler de King, lui aussi assassiné le 4 avril 1968. Il est assassiné à Memphis. Mais 2 ans auparavant, Martin Luther King s'était établi à Chicago. Il y a passé l'essentiel de l'année 1966 pour essayer précisément de s'attaquer aux maux urbains, en particulier aux grands ghettos. Il s'y attaquait avec un succès tout relatif. D'ailleurs, il a été surpris, King, de voir à quel point le niveau de violence politique à Chicago dépassait celui qu'il avait connu dans le Sud, y compris dans ces villes marquées par le corset de la ségrégation comme Birmingham et Montgomery dans l'Alabama. Chicago, c'est aussi un laboratoire d'idées neuves dans ce bouillonnement très spécifique à cette ville. Il faut dire un mot de ce qu'est l'université, en particulier Pam Diaye. En effet, c'est une ville qui est aussi une grande ville universitaire. Dès 1892, avec la fondation de l'Université de Chicago, grâce à des fonds de John Rockefeller. Le fondateur. Le fondateur, en effet. Grand pétrolier. Grand pétrolier, mais également philanthrope à ses heures. Et cette Université de Chicago rompt avec la tradition universitaire américaine en ce sens qu'elle importe aux États-Unis des modes d'organisation qui viennent d'Allemagne, en particulier avec les séminaires de recherche, avec les laboratoires. Bref, c'est une grande université de recherche qui se caractérise par des départements qui deviennent rapidement célèbres, le fameux département de sociologie. À partir du début du XXe siècle, avec Robert Park. Un ancien journaliste qui devient universitaire. Tout à fait, et qui refonde la sociologie, on peut dire, même la sociologie mondiale, avec des enquêtes de terrain, avec l'utilisation de la statistique, tout ce qu'on ne faisait pas auparavant, et qui donne naissance à une longue tradition. On pourrait parler de l'école d'économie, plus récemment, bien sûr, à partir des années 70, avec le fameux Milton Friedman, sur un mode beaucoup plus conservateur, lui. Tout autre coloration, oui, c'est lui qui a inspiré les politiques monétaristes, jusque chez Pinochet. Exactement, les fameux Chicago Boys. Mais il y a également un grand département de physique nucléaire. C'est à Chicago, sous les gradins du stade de cette université, que la première réaction nucléaire en chaîne eut lieu en 1942. Bref, Chicago est aussi une grande ville de savoir, et à l'université de Chicago, il faut ajouter d'autres universités comme Northwestern, par exemple, qui composent un ensemble qui contribue à faire de cette ville une ville qui attire les spécialistes, les chercheurs, les universitaires du monde entier. Dans le domaine des arts aussi, Chicago compte. Je relève que Picasso a dit un jour « Chicago est comme moi, sa beauté réside dans sa vitalité et sa vitalité est enfoncée dans la terre ». Picasso était sûrement impressionné par la puissance de la ville avec cette armature de gratte-ciel et ce front de lac qui impressionne les visiteurs. Mais c'est aussi en effet une grande ville d'art. L'argent considérable de ces élites locales a permis très tôt l'ouverture d'un grand musée d'art, le Chicago Museum of Arts, qui est un des grands musées américains où l'on trouve des collections absolument merveilleuses, y compris des collections de peintres impressionnistes et tant d'autres choses. Et puis, parallèlement à la peinture, il y a évidemment la musique qui, depuis le début du XXe siècle, joue un rôle essentiel. Nous allons parler de la musique. Auparavant, je voudrais dire un mot de la religion, puisque dans le cours de la campagne d'Obama, on a beaucoup évoqué la complexité de ses rapports avec son ancien pasteur, Jeremiah Wright. Voici un reportage de Samy Simon, un journaliste de la radio, en 1967, qui évoque un de ces hauts lieux de la charité protestante. Sur la façade, une grande croix blanche lumineuse et cette inscription en néon, en lettres énormes, rouges et bleues. Pacific Garden Mission. Save your soul. Sauvez votre âme. Devant une invitation aussi catégorique et d'un si haut prix, je poussai la porte et j'entrai dans la salle, toute simple, au mur peint à la chaux et garni d'inscriptions empruntées à la Bible. 200 personnes, hommes et femmes, les hommes en bras de chemise, car il faisait très chaud, achevaient un cantique. Voilà comment je fis connaissance de la Pacific Garden Mission, la plus ancienne institution charitable de Chicago, qui fêtait ce soir-là justement son 74e anniversaire et se régalait à cette occasion d'une petite fête hors série. Longtemps dans la nuit, les hymnes alternèrent avec les chants profanes. Et on servit ensuite un souper copieux et délectable pour tout le monde et gratuit, bien entendu. Et j'appris que depuis 74 ans, la mission n'avait pas fermé ses portes un seul jour, accueillant, hébergeant, secourant des centaines de milliers de femmes, d'enfants et de vieillards. Ainsi, au cœur de la terrible cité, au centre de ce monde impitoyable du big business, du luxe et de la débauche, et durant trois quarts de siècle, sa petite flamme douce et obstinée n'avait pas cessé de briller un seul jour, une seule nuit. Eh bien, cela aussi, c'est Chicago. Et ce music hall des clochards dans la maison du bon Dieu, au pays des abattoirs, des palaces et des gangsters, c'est sa petite fleur bleue, quelque chose comme son luxe en somme, et son gentil péché. La ville la plus riche du monde a ses faiblesses. Et puis, on a beau ne pas être tout à fait Babel ni Sodome, n'est-ce pas encore la meilleure façon qui sait de désarmer les fureurs célestes? Passant, Pam Diaye, sur le style de ces reportages d'époque, des années 60, le contenu est intéressant. Oui, parce qu'il fait référence à l'histoire religieuse de la ville, qui est marquée, bien sûr, en raison de la migration nord-européenne par l'importance du protestantisme, quoique il faille aussi mentionner également le catholicisme avec la migration polonaise. Un protestantisme, d'ailleurs, qui n'a jamais eu une tournure fondamentaliste. Chicago a toujours été une ville relativement libérale. La prohibition, comme on le disait tout à l'heure, n'a jamais vraiment fonctionné dans cette ville. Et c'est donc une ville qui a été marquée par une tradition d'évangélisme social, c'est-à-dire une tradition d'église qui était impliquée dans la réforme sociale, dans l'aide aux quartiers pauvres. C'est la ville des premières settlement houses, des maisons de bienfaisance qui s'ouvrent au début du XXe siècle sous l'égide de Jane Addams, par exemple, qui était une grande réformatrice de l'époque. Elle aurait même voulu être membre du conseil municipal, mais à l'époque, il n'était pas question. Je crois qu'il a fallu attendre les années 70 pour que... Il a fallu attendre 1971 pour qu'une femme entre au conseil municipal de la ville, tant les hommes, les réseaux des hommes de la machine tenaient la ville, mais c'est donc une ville où des initiatives religieuses, sociales, ont traversé l'ensemble du siècle, souvent en lien d'ailleurs avec le monde des universités. Par exemple, Jane Addams et sa Hull House, dans les quartiers pauvres ouest de la ville, étaient en lien avec le département de sociologie, qui envoyait là ses étudiants pour faire des enquêtes de terrain. Et donc il y avait des échanges entre le monde de la charité, en quelque sorte, et puis le monde universitaire, à l'époque où les institutions publiques d'aide sociale étaient pratiquement inexistantes. Et au fond, il faudrait remarquer que Obama, lorsqu'il arrive comme organisateur communautaire en 1985, poursuit cette longue tradition séculaire, qui est une tradition d'engagement, d'évangélisme social, sans la dimension proprement religieuse dans le cas d'Obama, mais dans une dimension qui, elle aussi, est une dimension qui vise à servir dans les quartiers pauvres de la ville. Mais alors, comment peut-on comprendre tout cet éclairage, la complexité, la difficulté de ses relations avec ce fameux pasteur qu'il a quelque peu compromis par ses excès dans le courant de sa campagne? Oui, on se rappelle la manière dont Obama a dû se débattre au printemps 2008, lorsqu'il fut accusé d'avoir des liens, et de fait, il avait bien des liens avec le pasteur Wright. La Trinité United Church. Voilà, accusé de propos anti-américains, notamment après le 11 septembre 2001. Et cela a été l'occasion pour lui de développer un grand discours sur les relations entre noirs et blancs dans son pays, prononcé le 18 mars à Philadelphie, qui est peut-être le plus grand discours de la campagne présidentielle 2008. Je pense qu'il restera dans les mémoires, au cours duquel il revient sur ses relations avec le pasteur Wright, sans le rejeter complètement, en expliquant qu'il a compté dans sa vie. Il raconte dans son autobiographie comme il l'a rencontré dans les années 1980, comme il a été impressionné par cet homme, et qu'il est représentatif, ce pasteur Wright, d'une génération de vieux militants afro-américains, d'hommes en colère, d'hommes qui ont vu que les espoirs des années 60, issus des droits civiques, je mentionnais King tout à l'heure, se sont dissous dans les années 70 et 80, que la situation économique et sociale des pauvres noirs s'est dégradée en l'espace de 30 ou 40 ans, et qu'il exprime de façon certes outrancière, mais que Obama ne pouvait pas rejeter complètement. Son discours de Philadelphie était un discours très courageux, qui montrait bien à quel point Obama était aussi un homme de Chicago, de ses quartiers sud, où il a choisi de vivre, où il a choisi de s'installer et même de s'y barrer. Au fond, c'est Chicago qui a choisi autant Obama que Obama qui a choisi Chicago. Alors nous allons terminer notre conversation, Pam Diaye, en évoquant bien sûr la musique, en évoquant le rôle que Chicago a joué dans la diffusion du jazz, du blues, etc. C'est Clinton, je crois, qui jouait du saxo. Je ne sais pas si Barack Obama joue d'un instrument. Quelles sont ses relations avec la musique? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait manifesté un intérêt particulièrement puissant pour la musique, mais incontestablement, il vient d'une ville qui est peut-être la capitale de la musique aux États-Unis avec la Nouvelle-Orléans. Clinton était plus proche de cela. Au fond, Clinton est presque plus afro-américain que Obama. C'est Toni Morrison, la grande écrivain prix Nobel, qui saluait en Bill Clinton le premier président noir des États-Unis. Elle voulait dire, était prise. Elle voulait dire par là que Bill Clinton, homme du Sud, avec son accent, avec sa rhétorique fleurie, avec sa faconde et sa chaleur humaine, ressemble en effet à beaucoup de figures du monde afro-américain, par contraste avec un Barack Obama qui, faut-il le rappeler, n'est pas afro-américain au sens strict du terme, et qui dans son comportement, dans son style oratoire d'ailleurs, est beaucoup plus sobre, beaucoup moins fleuri, peut-on dire, et qui ressemble plus finalement à un John Kennedy qu'à un Martin Luther King ou qu'à un Jesse Jackson, autre personnage important de Chicago. Alors je reviens au jazz. Il me semble qu'on peut peut-être dire que le jazz de Chicago a symbolisé la première victoire culturelle remportée sur l'Amérique multiraciale. Arthur Big Boy, Chicago Blues, 1946. Every time I hear a whistle, smoke from a railroad train. Every time I hear a whistle, see the smoke from a railroad train. My mind get to wondering, wanna go back to Chicago again. Chicago, Chicago, it's the grandest place on earth. Chicago, Chicago, it's the grandest place on earth. You know I ain't heard it, I ain't heard it from my birth. Yeah, man. Votre visage, Pam Diaye, exprime une certaine satisfaction à l'écoute de cette musique. Arthur Big Boy, Chicago Blues, 1946. Quelle grande musique. C'est la grande tradition du blues de Chicago, celle qui commence à la fin des années 1910 avec l'arrivée des Noirs qui viennent d'une région qui est une région spécifique. C'est le delta du Mississippi. Tous ces grands chanteurs de blues viennent de la même région. C'est le cas de Bessie Smith, c'est le cas de Memphis Minnie et de tant d'autres qui vont faire de Chicago la capitale du blues en transformant le blues qui est celui du delta du Mississippi, en apportant de nouveaux instruments, avec un phrasé plus coulé, avec également des métissages et des relations avec des traditions musicales et folkloriques qui sont apportées par les migrants européens. Et donc, ils s'inventent quelque chose d'extraordinaire à Chicago à partir des années 20. C'est un style musical qui stupéfie les voyageurs, qui stupéfie un Louis Armstrong qui débarque en 1922 de sa Nouvelle-Orléans natal et qui ne comprend rien à ce qui se passe musicalement dans cette ville, en même temps qu'il est séduit et il s'y met en quelques années dans l'orchestre de King Oliver avant de voler de ses propres ailes. Il y a donc là cette tradition du blues, cette tradition du jazz qui trouve en Chicago une ville accueillante avec évidemment beaucoup de spectateurs et d'auditeurs disposés à l'écouter, et puis aussi dans les quartiers du South Side un monde qui est celui des cabarets, de la musique qui parfois est financée par les activités illégales dont on parlait tout à l'heure. Al Capone était un grand amateur de jazz par exemple, et qui transforme la ville musicalement et qui influe au fond sur les grands renouvellements musicaux que les États-Unis ont connus à travers le XXe siècle. Il faudrait mentionner les Jackson 5, originaires de Gary dans la banlieue de Chicago dans les années 70, Michael Jackson évidemment à partir des années 80, et les visiteurs de Chicago, les touristes à Chicago savent à quel point c'est une ville où l'on trouve des trésors de musique. Merci Pam Diaye, merci. Vous avez, je le disais, animé le numéro qui va paraître dans peu de jours, numéro 339 de l'Histoire, Chicago, d'Al Capone à Obama. Un rapprochement audacieux. Vous avez été reçu à cette émission il y a quelques mois lors de la sortie de votre ouvrage consacré à la minorité française noire, La Condition Noire. C'est un livre qui était paru chez Calman Levy, 2008. Et prochainement, très prochainement, vous donnerez dans la fameuse petite collection Découverte de Gallimard une histoire des Noirs américains de 1865 à nos jours. En attendant, votre monographie sur Chicago, dont je crois nous aurons donné le goût d'avance à nos auditeurs. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jadenet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau, avec Meryl Moneghetti, Patrick Molinier, Virginie Gresset, Philippe Jurado et aussi Véronique Jolivet pour les Archivinats. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 janvier 2009. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.